Bienvenue au cœur vibrant du Paris médiéval, l'île de la Cité, un quartier en pleine effervescence autour de la future Notre-Dame.